dépendant quand même. Looking for, en recherche de nous-mêmes, parfois, souvent, comme nous recherchons. Explore. En interaction, en formation plus ou moins serrée. Faire du son. About to share it, about to make noise. Again. Retriever. Retriever or ah. Retriever ou chien. Va te faire enculer. Y'a l'écho sur mon micro. Y'a beaucoup d'écho. Si je chante, je chante, je chante. Si je chante, près du cardioïde, ça marche mieux. C'est pour savoir. Si je chante, parce qu'il a tout changé. Retriever, retro, you got it, you made it, you effect, you're the boss. Chante pas, chante pas, chante pas. And we wanna hear you, that's why this is working. If we don't care, yo, whole point is fucked. At the beginning, if we don't care, but we won't. You're so precious. C'est vachement fort. Ouais, c'est vachement bien martelé. Mmh. Get on up, you're the boss. Get on up. It's Madeleine, Madeleine, Madeleine, like a marmalade, damn good mat. Ça devient plus mat, ça devient plus. Ouf, ça va pas. Mama. Plus tendre. Appelez maman, maman, maman, il est tendre. Pourquoi parler papa? Pourquoi on m'appelle au secours? Pourquoi? Papa, papa, papa. Maman, maman, maman, maman, maman. Chose. C'était la devise de ma grand-mère. Right here. In Israel. déjà. Don't look up, place in the right place, and right place in the right place, your shoes, plus that, right between read and fight. Abuser. You're here in heaven. How long will it take for hell to unleave? Amazon got your mail. Way to find your soul. Amazon got your mail. You invite them all. Oh. Is that your real responsibility? I'm on your soul. Look. Look, your children are now. Give you all my soul, give you all my love. Starving for now. Give you all my love, give you all my soul. My soul again.